بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On reprend maintenant avec la deuxième partie de l'explication du livre de Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, Al-Mu'taqad al-Sahih, Al-Wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu. Et entre-temps, étant donné que dans la première partie, j'ai expliqué que les imams des salafs, ils ont écrit plusieurs livres au sujet de la aqida, et ils ont clarifié le manhaj des salafs. Et j'ai mentionné un des livres du Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, dans lequel il a fait un genre de recensement et une historique des écrits qui ont été, disons, rassemblés, un livre qui rassemble les écrits des imams des salafs au sujet de la aqida salafia. Et le livre en question, il s'intitule « Tarikh ou Tadwin al-Aqida al-Salafia », c'est-à-dire l'histoire de la mise par écrit de la aqida salafia. Et quand on regarde à l'intérieur de ce livre-là, j'ai posté sur Twitter, j'ai mis le lien pour le PDF, pour ceux qui veulent le consulter. Et dans le livre, il y a à peu près autour de 250 livres environ. Et le dernier livre dedans, c'est la Nouniya de l'imam Al-Qahtani, un des imams de l'Andalousie, qui a mis sous forme de vers les principes de l'aqida d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a et la réfutation des innovateurs et des gens de bid'a. Et cette qasida, ce poème, il est connu, il est célèbre. Je pense qu'il a été publié même. Donc, ayant dit ça, maintenant on va continuer avec la suite de qu'est-ce qui est dans le livre, Inch'Allah. Et maintenant on rentre vraiment dans le cœur de la aqida salafia, en commençant par le fondement des fondements et le principe de tous les autres principes, c'est-à-dire la croyance en qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parfois on traduit ça par le monothéisme pur islamique. Et par rapport à l'utilisation du terme monothéisme en français, il faut savoir que l'utilisation du terme monothéisme, parfois il peut être trompeur, puisque pour les chrétiens, il y a des polythéistes qui peuvent être considérés comme monothéistes, comme les chrétiens, par exemple, qui croient dans la Trinité. Eh bien, ils se considèrent monothéistes, hein, alors qu'ils sont polythéistes, puisqu'ils croient en plusieurs divinités, ils adorent plusieurs êtres en dehors d'Allah, dont Jésus, hein, ils croient que c'est Dieu, ou le Fils de Dieu, ou que Dieu s'est incarné, ou des choses comme ça. Donc, pour les musulmans, ça c'est du polythéisme, hein, c'est de l'idolâtrie. Sans compter ceux qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration, et qui prennent des saints, hein, et des images et des croix comme objet de culte. Et ça représente pour nous les musulmans également des différentes formes d'idolâtrie. Ceux qui prient à saint un tel, hein, et on sait qu'il y en a des centaines dans chez les catholiques en particulier, chez les orthodoxes aussi. Et chez les juifs, on retrouve ça aussi. Pourtant, ils sont considérés comme étant des monothéistes, alors que selon l'islam, ils sont considérés comme polythéistes, ou idolâtres plutôt. Et même le terme polythéiste, on utilise des fois parfois, surtout chez les chrétiens, ils divisent les gens en polythéistes, monothéistes. Et parfois, ils vont calculer certaines personnes comme étant polythéistes parce qu'ils adorent plusieurs divinités, alors qu'en réalité, ils sont monothéistes. L'exemple ou bien monothéiste dans le sens qu'ils croient en un dieu unique, pas en plusieurs dieux. Comme les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient différentes divinités, mais ils ne croyaient pas qu'il y avait plusieurs dieux. Ils croyaient qu'il y avait un seul dieu. Mais ils adoraient des idoles en dehors d'Allah, en les prenant comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. D'accord? Donc, au fond, ou dans la réalité, ils croient en Dieu unique, mais ils font du shirk. Donc le fait d'être par exemple polythéiste, ça ne veut pas nécessairement dire que quelqu'un affirme l'existence de plusieurs créateurs. Et c'est ça qui est confondant avec ces terminologies-là. Quand on utilise les terminologies comme polythéiste, monothéiste, c'est mélangeant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas précis. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a étudié l'aqida salafia, lorsqu'on a étudié l'aqida d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on a étudié le tawhid, on comprend vraiment la réalité de ces termes-là. Et qu'est-ce que c'est la réalité du monothéisme islamique? Le pur monothéisme, c'est-à-dire le tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tel qu'il a été enseigné par les prophètes. Hein? Par exemple, il y a des religions comme ça. Je sais que, par exemple, en Haïti, il y a la religion qu'on appelle le voodooisme. Et les voodooisants, ils vont vous dire, oui, il y a un dieu suprême. Il l'appelle comme si le bon dieu. Hein, et c'est lui qui est le maître de tout, le créateur, le tout-puissant. Mais après, il y a plein d'autres êtres qu'ils adorent en dehors d'Allah, qu'ils appellent des lois. Hein, qui sont en réalité des djinns, qu'ils prennent comme intermédiaire entre eux et Allah. Et donc c'est pour dire que le fait qu'ils croient en un créateur, en un Dieu unique, ça ne les sauve pas de tomber dans l'idolâtrie et le shirk. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc c'est pour ça que c'est important, donc, comme je disais, d'utiliser les termes islamiques, de ne pas essayer d'utiliser des termes en français qui déforme parfois la réalité de qu'est-ce qu'on veut dire par les principes islamiques, parce que les termes francophones sont inspirés de des références religieuses chrétiennes en grande partie. Donc quand on traduit les termes islamiques en français, eh bien parfois on trahit la réalité de qu'est-ce qu'on veut dire. Et il faut être extrêmement précis dans l'utilisation des termes quand on traduit ces termes-là, de spécifier qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à l'islam, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la personne, dans la tête de la personne à qui on s'adresse, et qu'il fasse pas d'amalgame, hein, ou qu'il se mélange pas entre des notions chrétiennes ou juives et des croyances. La croyance islamique qui est la croyance des prophètes, l'enseignement qui a été transmis par les prophètes à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion. Donc ayant dit ça, maintenant on va commencer avec ce principe-là qui est le premier point qui est mentionné dans le livre, Al-Mu'taqad al-Sahih fi Tawhid al-Rububiyya. La croyance authentique et correcte au sujet de l'unicité d'Allah dans la Rububiyya. Donc comme on le sait, la aqida du tawhid, la croyance en le tawhid se divise en trois. Parce que le tawhid, il y en a trois catégories. Hein? Si on regarde l'enseignement des prophètes, il y a trois catégories de tawhid. Tawhid al-Rububiyya, tawhid al-Asma al-Sifat et tawhid al-Uluhiyya. Donc ces trois catégories de tawhid sont indivisibles et sont interreliées l'une avec l'autre. Elles sont interreliées dans le sens que elles ont tous un lien l'une avec l'autre. Chacune de ces catégories-là est reliée l'une avec l'autre. On ne peut pas les séparer. Et Tawhid al-Rububiyya, c'est la croyance en l'unicité d'Allah par rapport au fait que c'est lui qui est le maître tout-puissant, le créateur, le seul créateur, le seul maître, celui qui est le pourvoyeur, celui qui contrôle tout qu'est-ce qui arrive dans l'univers. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Donc, al-Rububiyya, c'est l'unicité d'Allah dans le sens que on unifie Allah dans ses actions. Qu'est-ce qu'il fait? Et dans sa seigneurie, le fait que c'est lui le seul maître et le seul seigneur. Et on va expliquer maintenant cette catégorie-là. Et on va expliquer qu'est-ce que ça implique et les preuves qui sont reliées à cette catégorie du Tawhid. Le Cheikh, il dit que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui détient le pouvoir de créer, c'est lui seul qui est le maître et le, le possesseur et le propriétaire de la création, et c'est lui seul qui gère et qui contrôle tout ce qui se produit dans la création et dans l'univers. Que ce soit au niveau des astres ou des grosses créations dans l'univers au complet, ou que ce soit au niveau des atomes ou des bactéries ou des microbes ou des choses qui sont même pas visibles à l'œil, toutes ces choses-là, que ce soit extrêmement petit ou extrêmement géant, dans tout ce qui arrive dans l'univers, il n'y a rien de cela qui échappe de la connaissance et du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la fourmi qui est au fond de la terre, même la feuille qui va tomber de l'arbre ou la goutte d'eau qui tombe de nuage, l'atome, hein, dans le milieu d'une création, peu importe. Tout ça, ça ne sort pas du pouvoir et de la connaissance et de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des exemples à ce sujet-là, dans les versets que le cheikh il a cités, il cite le verset 54 dans surat Al-A'raf, قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, votre Seigneur, c'est Allah. Hein? Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé au-dessus du trône. Il couvre la nuit du jour. Hein? Il fait couvrir la nuit du jour et le jour de la nuit. Hein? On sait dans plusieurs versets, Allah mentionne ce fait-là. Yatlubuhu hathithan. C'est-à-dire, le jour et la nuit se suivent et ils se poursuivent rapidement l'un l'autre. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ. De même que le soleil et la lune, ainsi que les étoiles, sont assujettis à son commandement et à son ordre. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ. N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et le commandement? تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Que béni soit Allah, le Seigneur des mondes. Donc on voit dans ces versets-là que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle tout dans l'univers et qui gère tout et qui est le maître de tout. Un autre verset que le cheikh a cité aussi, le verset 49 dans sourate Ash-Shura. Lillahi mulku as-samawati wal-ard yakhluqu ma yasha. C'est à Allah qu'appartient, ou c'est Allah le maître ou le roi des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut. Hein? Dans le verset 2 dans sourate Al-Hadid, lahu mulku as-samawati wal-ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui appartient les cieux et la terre, il fait vivre et il fait mourir et il a le pouvoir sur toute chose. Donc, on voit dans ces versets-là, comme le cheikh il explique, il dit, donc ça c'est le tawhid, hein, ces versets-là nous donnent les preuves et nous expliquent qu'est-ce que c'est le tawhid dans la rububiyya d'Allah. Hein? Et cette catégorie-là de tawhid, elle est inscrite dans l'âme de chacun d'entre les êtres humains. C'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui fait partie de la nature profonde de l'homme. Il ne peut pas le renier. Et personne ne peut disputer au sujet de cette réalité-là, qu'il soit musulman ou kafir. Qu'ils soient musulmans ou kafirs. Et c'est pour ça que, dans la réalité, il n'y a pas de d'athée. Ça n'existe pas. La réalité d'un athée, c'est quelqu'un qui croit au fond de son âme qu'il y a un Dieu qui existe, mais qui refuse par arrogance et orgueil de l'admettre avec sa langue et de se soumettre avec son corps à ses ordres et à ses commandements. Hein? Parce que sinon, instinctivement en lui-même, il ne peut pas nier qu'il y a un créateur qui a créé l'univers, que c'est lui qui a créé la vie, que c'est lui qui est le maître de tout. Ça, au fond de son âme, il le sait. Même que beaucoup d'entre les athées, lorsque tu lui demandes des questions sur ça, tu arrives au bout, puis à la fin, il te dit, oui, il y a sûrement une force qui a créé quelque chose, il y a sûrement un être qui a... Hein? Mais il ne veut pas le définir. Hein? Ou bien il ne veut pas lui donner un nom. Ou bien il ne veut pas l'appeler Dieu, hein? Ou il ne veut pas l'appeler Allah. Et il ne veut surtout pas se soumettre. Il ne veut surtout pas mettre son front par terre devant son maître et son créateur. Ça, il refuse. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux et fier. Il refuse de se soumettre. Mais au fond de lui, il sait que c'est vrai. Hein? C'est pour ça que des vrais athées, ça n'existe pas. Hein? C'est, la plupart des athées, c'est des menteurs. Et même que, comme le cheikh il dit, que même les mushrikines, ceux qui adorent des idoles et qui prient à des statues, hein, eh bien, comme on donne l'exemple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset: wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Hein? Parce qu'ils savent, hein, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur. Malgré que parfois ils vont même prier à des idoles, à des statues, mais ils savent que ces idoles et ces statues-là, elles n'ont pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Hein? Si par exemple ça c'est un verre en plastique, hein, quelqu'un l'a fabriqué avec une machine et tout, c'est fait avec quelque chose que l'être humain a créé lui-même. Hein, c'est quelque chose que l'être humain a créé lui-même. Et donc, s'il prend cet objet-là, il dit ça c'est mon Dieu, et il se prosterne devant ce verre, il sait très bien que ce verre-là, il n'a rien créé. Hein, et que si je l'écrase, là, je le jette à la poubelle, le verre il ne va pas se venger, il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas parler, il ne peut pas entendre, il ne peut pas voir. Donc, n'importe quel être humain intelligent, il sait très bien que ce verre-là, il n'a aucun pouvoir, il n'est pas Dieu. Et les idolâtres qui prient à des statues et des idoles, ou même le chrétien qui prie devant une statue de Jésus ou de Marie, il sait très bien que cette statue-là, elle n'est pas Dieu. Elle n'a rien créé. Hein? Mais il l'utilise comme intermédiaire ou intercesseur, ou point de concentration sur lequel il, hein, représente, hein, ce qu'il adore. Hein? Dieu, il le représente par cette image-là ou des choses comme ça. Et c'était la même chose pour les idolâtres de la Mecque à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait à Lat, ou Al-Uzza, ou Manat, hein, il savait que ça c'était des êtres pieux, des hommes pieux qui avaient vécu, et ils ont fait leur représentation, et ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah, et ils pensent que parce qu'ils étaient pieux, ils peuvent les rapprocher d'Allah plus facilement. Hein. C'était ça leur shirk. Mais si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te disent Allah. Hein. Dans l'autre verset, dans Sourate Yusuf, le verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ça c'est incroyable. Hein? C'est-à-dire, la plupart d'entre eux ne croient en Allah excepté qu'ils sont des mushrikoun. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Comment ils peuvent croire en Allah et être mushrikoun en même temps? Hein? Parce que c'est ça que le verset dit. La plupart d'entre eux croient en Allah, excepté qu'ils sont des mushrikoun. Ils sont des idoles. Ils font du shirk avec Allah. Ils associent, ils donnent à Allah des partenaires, hein, dans l'adoration. Et ça, c'est expliqué par Mujahid, un des élèves de Abdullah ibn Abbas, hein, parmi les savants de tafsir. Il dit: Imanuhum qawluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna. Hada iman. Ma'a shirk في عبادتهم غيره فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق بل كانوا يعتقدون أن الله أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله. Donc il dit, Mujahid il a dit, leur foi consistait à dire Allah est notre créateur, c'est lui qui nous donne notre subsistance, c'est lui qui nous fait mourir. Ça c'était leur foi. Hein? Ça c'était leur foi. Mais leur shirk c'était quoi? C'était d'adorer autre que Allah. Dans l'adoration, ils faisaient du shirk avec Allah en priant et en invoquant d'autres que Allah. C'est-à-dire que les mushrikoun, les idolâtres, ils croient, hein, que leurs idoles et que les divinités qu'ils ont sont des partenaires. Ils ne croyaient pas que c'était des partenaires avec Allah dans la création. Plutôt, ils croyaient que c'était des partenaires avec Allah dans l'adoration. Dans le sens que ils prenaient ces différentes divinités comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 3 dans Surat Az-Zumar: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Il dit, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés, des intercesseurs, des intermédiaires, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Hein? Donc c'est ça que tu demandes à un chrétien, tu dis, mais il y a combien de dieux? Il va dire, il y a un seul Dieu. Pourtant, il prie à Jésus, prie à Marie, prie à des saints. Ils disent, oui, mais eux, c'est des hommes pieux, ils vont m'aider à être plus près d'Allah, parce que, étant donné qu'ils sont très, très pieux, très vertueux, eh bien, ils sont très proches de Dieu. Donc, si je leur demande à eux, eux, ils vont demander à Allah pour moi, et à cause de ça, Allah va accepter de leur part leur invocation pour moi et des choses de ce genre. Et c'est ça la base même de leur shirk. C'est ça la base même du shirk, Allahu Musta'an. Et ils ont souvent fait une analogie entre les rois et les présidents ou les chefs dans ce monde et en comparant ces personnes-là à Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire que dans ce monde, pour arriver à parler au roi ou au président ou au chef, on ne peut pas y aller directement, il faut passer par quelqu'un qui est proche d'eux. Donc, ça devrait être la même chose avec Allah. Donc, ils ont fait cette analogie entre les deux. Alors qu'il n'y a aucune comparaison possible, puisque peut-être que le roi ou le président, il ne te connaît pas. Tu ne peux pas aller le voir directement, il ne va pas te recevoir. Tu as besoin de quelqu'un qui fasse la présentation ou bien qui te permette d'y accéder. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te connaît parfaitement. Il te connaît mieux même que toi-même. Donc, il n'a pas besoin de quelqu'un pour te faire la présentation, pour t'expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu as de besoin. Non, Allah, il le sait déjà. Hein? Donc, de faire ce genre d'analogie-là entre les créatures et le créateur, c'est ce qui fait que des gens sont tombés dans le shirk. C'est une des choses qui a fait en sorte que les gens tombent dans le shirk. Et un autre verset aussi, qui est le verset 40 dans Surat Fatir, qui explique vraiment bien cette question-là aussi. Le Cheikh dit, « قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, avez-vous vu les associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé des cieux et de la terre. Hein? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Est-ce qu'ils ont une part dans les cieux? C'est-à-dire, ou bien apportez-nous un livre dans lequel il y aurait une justification ou une preuve pour justifier ce que vous faites. Mais les injustes ne se font les uns les autres que des fausses promesses et des tromperies. Hein? Dans le verset 35 et 36 dans Surat As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des mushrikins de Quraysh, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les propos des mushrikins de Quraysh qui disaient, lorsque on leur disait de dire « La ilaha illallah », ils s'enflaient d'orgueil, ils devenaient arrogants et fiers. Et ils refusaient et ils disaient, est-ce que nous allons délaisser nos divinités pour un prophète, hein? Ou bien ils ne disaient pas un prophète, eux ils disaient un poète fou. Hein? Donc ils le traitaient de poète et de fou, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils refusaient de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'est-ce que ça impliquait. Ça implique d'abandonner les idoles. Hein? Malgré qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans disent « La ilaha illallah » et ils refusent d'abandonner l'adoration des saints et des morts. Hein? Tandis que les mouchriquins de Quraysh, quand on leur disait de dire « La ilaha illallah », ils refusaient de le dire parce qu'ils ne voulaient pas délaisser leurs idoles. Hein? Donc c'est pour ça que certains ulama ont dit, on voit que les mouchriquins de Quraysh avaient mieux compris la signification de la ilaha illallah que certains musulmans aujourd'hui, qui disent la ilaha illallah mais qui prient à des tombes et à des saints et à des morts, et qui n'ont pas compris qu'est-ce que ça implique de dire la ilaha illallah. Et il cite un autre verset 5 dans Surat Sad. dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab. Les mouchriquins, ils disaient, est-ce qu'il a fait de nos divinités une divinité unique? C'est-à-dire, de toutes les idoles et de toutes les divinités qu'on adore, il veut qu'on délaisse tout ça, qu'on adore Allah seulement? Ça, c'est une chose étonnante. Donc, le cheikh, il explique, il dit, « Wa innama qarrara Allah » Allah subhanahu wa ta'ala a établi uniquement ce tawhid-là. Dans quelle raison? Si on a dit que le tawhid de la ruboubiya, il est inscrit dans l'âme même de l'être humain, et que c'est une chose qui est innée, et qui fait partie même de la nature de l'homme. Alors pourquoi Allah l'a confirmé et l'a mentionné dans le Coran? C'était quoi le but d'en parler même, si c'est quelque chose que personne ne peut renier? À quoi servait le fait de le mentionner? Eh bien, le cheikh, il explique pourquoi. Il dit... لإثباته وتوكيد وتأكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran le tawhid de la ruboubiya uniquement pour confirmer et affirmer et pour utiliser comme preuve et argument dans l'obligation d'établir l'unicité dans l'adoration. Donc c'est comme s'il se sert de la ruboubiya comme preuve pour justifier l'unicité d'Allah dans l'adoration. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala dit aux mushrikin, vous êtes d'accord que Allah c'est le seul maître, le seul créateur. Alors dans ce cas-là, si vous croyez réellement en ça, eh bien ça implique que de votre part vous devez cesser d'adorer toute autre chose que Allah et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sinon vous vous contredisez en affirmant que Dieu est unique et que c'est lui seul le maître. Si c'est lui seul qui est le maître, pourquoi tu demandes à quelqu'un d'autre? Si c'est lui seul qui possède tout, pourquoi tu demandes à quelqu'un d'autre? Si c'est lui seul qui a tout créé, pourquoi tu demandes à un autre? Quelqu'un qui possède rien, tu lui demandes? Si je te dis c'est Allah qui possède seulement, pourquoi tu demandes à quelqu'un qui possède rien? Ça ne fait pas de sens. Et c'est comme ça que Allah utilise la ruboubiya comme argument contre les mouchriquins qui donnent des partenaires et des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire. Il n'y a personne qui avec qui il a fait un partenariat dans la création. Comme par exemple, toi tu veux fonder une compagnie ou tu veux fonder une entreprise, tu prends un partenaire avec toi. Vous allez être partenaire, on va dire 50-50. Donc, vous partagez qu'est-ce que vous avez dans cette entreprise-là. Vous êtes, une partie est à lui, l'autre partie est à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun partenaire dans la création tout entière. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul, même, il n'y a pas même un atome qui serait partagé entre Allah et quelqu'un d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de tout ce qui existe sans exception. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est lui seul qui possède tout, c'est à lui seul, si tu as besoin de quelque chose, c'est à lui seul que tu dois demander. Qui pourrait te faire ou te donner ou te protéger dans quoi que ce soit alors qu'il n'a aucun pouvoir et que tout le pouvoir n'appartient que à Allah seul. Donc de demander à quelqu'un d'autre que Allah, c'est quelque chose d'illogique. C'est quelque chose de ridicule, d'insensé. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala veut établir dans le fait de mentionner la ruboubiya dans le Coran. Il dit إِذْ إِنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يُعْبَدْ إِلَّا اللَّهِ. C'est-à-dire que le tawhid à la ruboubiya implique que personne ne doit être adoré excepté Allah. Et il y a plein de preuves comme ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 21 dans sourate Al-Baqarah, Ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous pour que vous puissiez atteindre la piété et avoir taqwa. Taqwa, ça veut dire quoi, taqwa? Ça veut dire de se protéger ou de chercher une protection contre le châtiment d'Allah, et la seule protection qu'on peut établir contre le châtiment d'Allah, c'est de faire ce qu'il nous ordonne et de s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Et c'est ça qui va nous protéger de son châtiment. Donc, at-taqwa, c'est ça. C'est de se préserver d'Allah et de chercher une protection contre son châtiment. Il dit ensuite dans le verset 6 dans Surat Az-Zumar, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. Voici votre Seigneur, voici Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté, à lui appartient le royaume, à lui appartient toute chose, la création. Et juste après, la ilaha illahu, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. C'est comme si pour dire, puisque tout lui appartient et que c'est lui votre Seigneur, alors rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Vous ne devez adorer rien d'autre que lui et vous devez rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. L'autre verset que le cheikh a cité ensuite, le verset 3 et 4 dans Sourate Quraysh. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Alors qu'ils adorent le Seigneur de cette maison sacrée, la Kaaba, celui qui les a nourris lorsqu'ils avaient faim et qui les a protégés et donné la sécurité alors qu'ils avaient peur. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il mentionne donc qu'il est le seul qui a tout créé, qui leur donne la subsistance. Et ça, c'est des choses au sujet desquelles ils n'avaient pas de doute. Ils ne doutaient pas en ça. Mais il a utilisé cela comme preuve contre eux pour établir l'obligation de purifier leur adoration pour Allah seul et de rejeter toute forme de partenariat dans l'adoration. De donner de l'adoration à autre que Allah ou à d'autres avec Allah, d'adorer d'autres en dehors d'Allah ou d'adorer d'autres avec Allah. Dans les deux cas, c'est du shirk. Parce qu'il y a des gens qui adorent d'autres que Allah, il y en a d'autres qui adorent d'autres avec Allah. Ils adorent Allah puis ils adorent d'autres que Allah aussi. Comme les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'autres également. Ensuite, le cheikh il énumère, il cite plusieurs autres versets qui confirment cette signification-là, comme les versets dans Surat An-Naml 59 à 63. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. Est-ce qu'Allah est meilleur ou ceux qu'ils associent avec lui, ceux avec quoi ils font du shirk avec Allah? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Donc, dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait descendre pour vous une eau du ciel par laquelle il a fait pousser des jardins merveilleux dans lequel il y a toutes sortes de plantes, de fleurs, toutes sortes de belles choses que les êtres humains aiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui les fait pousser ces choses-là, personne d'autre que lui. Donc il dit, est-ce qu'il y a donc une autre divinité avec Allah? Est-ce qu'il y aurait donc une autre divinité avec Allah alors que c'est lui seul qui crée tout ça? Balhum qawmun ya'diloun. Donc c'est des gens qui se détournent de la vérité, et qui refusent d'accepter et d'affirmer la vérité. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza a ilahun ma'allah bal aktharuhum la ya'lamun. Donc, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'autres choses qu'il a créées dans la création et des choses qu'il a faites dans la création. Il a rendu la terre stable. Il aurait pu faire la terre. On voit qu'il y a des tremblements de terre des fois. Et quand la terre, elle tremble, on ne peut rien faire dessus. On ne peut pas même marcher. Il n'y a rien qui reste. Même on construit un bâtiment et le tremblement de terre arrive et les bâtiments s'écroulent. Hein. Donc si Allah aurait voulu, il aurait fait la terre constamment en train de trembler, constamment en train de... Hein, de toujours être en mouvement. Mais il l'a établi stable. Et il a mis des rivières et des cours d'eau. Hein. Et il a établi des montagnes aussi. Et il a mis une barrière entre les deux mers, les océans, l'eau salée et l'eau douce. Il dit, est-ce qu'il y a une divinité avec Allah? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui mériterait d'être adoré avec Allah? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Puis après, il dit, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Donc tout ça c'est la même chose. Des versets pour établir que Allah c'est le seul qui peut secourir les personnes dans les moments de détresse et les moments de danger lorsqu'on l'invoque, et c'est lui qui nous délivre du mal qui nous touche, hein, et qui nous fait se succéder les uns les autres sur la terre. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un sur terre, quelqu'un qui mériterait d'être adoré autre que Allah, hein, comme ils se souviennent peu. Et qui vous guide dans les ténèbres de la nuit, sur la terre et dans les mers, et qui vous envoie les vents dans lesquels il y a une annonce, hein, une bonne annonce, et qui vient au devant de sa miséricorde. Est-ce qu'il y a une divinité avec Allah, hein, qu'il soit élevé et purifié de ce qu'il lui associe, et ce qu'il lui donne comme partenaire, et du shirk qu'il prend avec lui. Donc tout ça c'est pour établir le tawhid. Dans l'adoration, mais il utilise comme argument le tawhid dans la rububiyya pour les réfuter sur le shirk qu'ils font dans l'adoration. Hein? Dans tous ces versets-là, il renie et il critique les mushrikins qui ont affirmé et qui ont accepté que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui est le créateur des cieux et de la terre, et que c'est lui seul qui profite ou qui peut profiter ou nuire, alors que cette affirmation de leur part et cette acceptation de leur part ne peut leur profiter. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné à Allah des partenaires dans l'adoration et qu'ils ont établi des divinités autres avec Allah qu'ils invoquent, comme on invoque Allah. Et donc ça c'est la contradiction même de leur part, hein. Et c'est en contradiction totale avec la révélation et avec la raison également. Puisque celui qui a le contrôle unique, hein, et absolu de la création et de la subsistance, et qui peut faire vivre et mourir, et que c'est lui seul qui contrôle tout cela, c'est lui seul qui mérite qu'on lui offre l'adoration en exclusivité. Et c'est lui seul qui est le seul à mériter cette adoration-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur répond et les réfute en disant « A'ilahum ma'allah ». Dans chaque verset, Allah dit « A'ilahum ma'allah ». Hein? Il n'a pas dit « A'khalikun ma'allah ». Il n'a pas dit « Est-ce qu'il y a un créateur avec Allah ?» Il a dit « Est-ce qu'il y a une divinité avec Allah ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite l'adoration avec Allah ?» Hein? Pourquoi ? Parce qu'il croit déjà qu'il n'y a pas de créateur avec Allah. Hein? Mais la question c'est, dans ce cas-là, si vous croyez qu'il n'y a pas de créateur avec Allah, mais dans ce cas-là, pourquoi vous adorez d'autres avec lui, hein? Et donc ça c'est la clarification qui indique comment Allah a réfuté le shirk, hein, dans la rububiyya, hein, et la fausseté de ce shirk-là. Parce que d'établir le shirk dans la rububiyya et de montrer sa fausseté, c'est facile. Si quelqu'un, il dit, il y a deux créateurs, si quelqu'un disait, il y a deux créateurs, ou plusieurs créateurs, ce serait facile à réfuter. Parce que si c'était le cas, il y a rien dans l'univers qui pourrait tenir. Hein? Ce serait la guerre toujours entre ces deux créateurs-là. Et chaque créateur d'une chose voudrait essayer de prendre la part de l'autre créateur peut-être. Ou bien ils se disputeraient entre eux les différentes créations. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela dans le verset 91 dans Surat al-Mu'minun, lorsqu'il dit ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris d'enfant, et il n'y a pas de divinité avec lui, sinon chaque divinité voudrait partir avec ce qu'elle a créé. Et chacun d'entre eux aurait voulu prendre le dessus sur l'autre. Hein? Donc, que Allah soit glorifié et purifié de ce qu'il lui donne comme attribut, ou bien de la façon dont il le décrivent. Donc, c'est pour dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs créateurs dans la création. Hein? Automatiquement, s'il y en a un, il va essayer d'avoir le pouvoir sur l'autre. Hein? Et il va y avoir cette guerre. Et ça fait penser beaucoup à l'idée que les idolâtres avaient par rapport à la croyance chez les Grecs ou chez les Hindous ou bien chez les Égyptiens de l'Antiquité à l'époque. Hein. Ils croyaient que ces divinités en lesquelles ils croyaient, c'était pas des divinités réellement, c'était des êtres humains. Hein, qu'ils représentaient comme étant des dieux parce qu'ils avaient des qualités, des représentations de force ou de beauté ou des choses comme ça. Donc quand une femme était belle, ils disaient « Ah, elle, c'est une déesse de la beauté. » Quand un homme était fort, ils disaient « Lui, c'était le dieu de la guerre, ou le dieu de ci, ou le dieu de ça. Hein. » Puis, quelqu'un était fort au combat ou quoi, il disait, bon, lui c'est le fils de tel dieu, ou elle c'est la fille de telle déesse. Hein. Et il les représente comme si c'était des dieux qui se jouaient des tours, qui se battaient les uns contre les autres, qui étaient en dispute les uns contre les autres, qui étaient en guerre. Et de là aussi même, que certains dieux avaient des enfants avec des femmes humaines. Hein? On voit ça dans la mythologie grecque. Zeus qui a eu un enfant avec une femme, puis ça donne un demi-dieu dans ce cas-là. Hein? Le résultat, ça avait comme Hercule, ou bien Persée, ou bien je ne sais pas quoi d'autre encore. Et c'est de ces croyances-là qu'on a vu découler la croyance chrétienne, que Jésus, par exemple, serait le Fils de Dieu ou des choses comme ça. Parce que chez les Grecs, ces idées ou ces croyances de Dieu ayant des enfants avec des femmes humaines, des mortels, comme ils disent, et puis qui auraient enfanté des demi-dieux ou bien des enfants de cette relation-là, eh bien ça a été hérité chez les chrétiens. Et c'est de là que vient la croyance des chrétiens que Dieu, Jésus serait le Fils de Dieu. Hein? Et puis, on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de femme, il n'a pas de compagne. Hein? Et il n'a pas d'enfant non plus. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié de ce genre d'attribution dans le Coran. Hein? Comme le verset qu'on a lu tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris de fils, il n'a pas pris de compagne non plus. Hein? Il n'a pas besoin de ça. Hein? Et également, donc, il n'a pas de compagne, donc il n'a pas d'enfant. Hein? Il ne fait pas d'enfant. Donc, chez les chrétiens, il y a cette notion-là. Hein? Et ça vient de la croyance des idolâtres et des mouchriquines. Et donc, c'est quelque chose qui est introduit dans la religion chrétienne et qui vient en contradiction avec l'enseignement des prophètes et des messagers. Donc ça, c'est totalement rejeté dans l'islam. Il dit وَقَالَ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. Ça, c'est un autre verset aussi, le verset 22 dans Surat Al-Anbiya. Il dit, s'il y avait une autre divinité excepté Allah, dans les cieux et dans la terre, les deux seraient corrompus. Sur la terre serait corrompu, il n'y a rien qui pourrait fonctionner s'il y aurait plus qu'une seule divinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers. Hein? Il n'y a pas un messager qui est envoyé par une divinité, puis un autre messager qui est envoyé par une autre divinité. Mais parfois, on écoute, parfois les chrétiens, on a l'impression que pour eux, chaque prophète est venu de la part d'un Dieu différent. Hein? Même parmi les prophètes qui sont dans la Bible. Et l'exemple de ça, c'est quand il parle, par exemple, de Moïse, et il parle des autres prophètes, ils disent, le Dieu de Jésus, c'était un Dieu de miséricorde, c'était un Dieu de compassion, de pardon, d'amour. Tandis que le Dieu de Moïse, c'était un Dieu vengeur, un Dieu cruel, un Dieu comme si c'était deux dieux différents qui les avaient envoyés. Et ça, c'est une contradiction. Parce que les deux croyaient au même créateur, au même Dieu. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un seul. Hein? Mais le problème des chrétiens par rapport à ça et des juifs, c'est qu'ils prennent seulement certains attributs de Dieu, puis ils laissent les autres. Donc ils choisissent les attributs d'Allah qu'ils veulent. Et ils mettent la concentration sur ces attributs-là. Et les autres, ils les laissent de côté. Le croyant, il doit prendre tous les attributs d'Allah au complet. Il ne va pas prendre certaines puis laisser les autres. Non. Il doit les prendre toutes pour qu'il reste en équilibre dans sa croyance. S'il met juste la concentration sur la foi en l'amour d'Allah et sa miséricorde, et il oublie sa justice et son châtiment, il va tomber dans un extrême et il va négliger le reste. Hein? Et à cause de ça, il va s'égarer. Il faut donc que la créature soit dans l'équilibre entre l'espoir, la crainte et l'amour pour éviter de tomber dans un extrême ou dans l'autre et de prendre tous les noms et les attributs d'Allah et de les accepter tous. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième catégorie du tawhid, qui est tawhidul asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs d'Allah. Et le shaykh dit, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a, parmi les croyances générales d'ahli sunnati wal jama'a, il y a le fait que nous devons affirmer tout ce que Allah a affirmé par rapport à lui-même et affirmer à propos d'Allah tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé comme nom parmi les bons noms d'Allah et comme attributs parmi les attributs élevés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet-là, les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils ne dépassent pas le Coran et le Hadith, qui est le Hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne va pas dépasser les textes, on s'arrête aux textes. Ce qui est mentionné dans les textes, on l'affirme. Ce qui n'est pas mentionné dans les textes, on le mentionne pas, on s'arrête. Hein? Après le shaykh il dit يثبتون الألفاظ كذلك, يثبتون الألفاظ ألفاظ ذلك ويعلمون معناها. Donc on affirme les termes, les mots qui sont employés dans la révélation à propos des attributs d'Allah et on comprend et on connaît leur signification selon la langue arabe, puisque le Coran est révélé en langue arabe. Et en ce qui concerne le comment, hein, les détails de la description et du comment des attributs d'Allah, on s'en remet à Allah par rapport à ça, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment sont ses attributs, ou qui sait comment il est lui-même. Hein? Personne ne sait ça excepté Allah, et on ne sait à propos d'Allah que ce que Allah a voulu nous faire connaître, hein, par sa révélation. Donc il dit لأن الله قد اختص بها فلم يطلع عليها أحد من البشر. C'est seulement Allah qui sait comment il est, comment sont ses attributs. Il n'a pas fait connaître cela à aucune des créatures, aucun être humain. Il dit, et donc dans la question dangereuse des noms et des attributs d'Allah, hein, il se base sur certains fondements, hein, de la révélation qui sont établis fermement et qui sont importants pour celui qui veut rester loin de la déviation et se sauver de la déviation sur ces questions-là. Et il y a deux points fondamentaux, ou bien plutôt trois, que le cheikh il a mentionné ici. Le premier, c'est إثبات ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. Donc c'est-à-dire d'affirmer ce que Allah a affirmé et d'affirmer ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Ça c'est le premier point. Sans ajouter quoi que ce soit ou sans enlever quoi que ce soit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui connaît mieux Allah que lui-même. Personne ne connaît mieux Allah que lui-même. Et comme il le dit, « قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 140 dans surat al-Baqarah, dit, est-ce que vous savez mieux ou Allah? Et il dit, et il n'y a personne qui connaît mieux Allah après Allah que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, versets 3 et 4, dans surat al-Najm, l'étoile, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Il ne parle pas selon la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est révélé. Donc ça c'est le premier point. Et on peut rajouter aussi là-dessus, par rapport à ce que le cheikh a dit, parce qu'il ne l'a pas mentionné ici, mais c'est de, aussi de nier ce que Allah a nié à propos de sa personne et de nier ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a nié. On peut rajouter ça aussi parce que ça c'est, là, c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, il dit « La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm » Hein, il n'est pas touché par la somnolence ni par le sommeil. Donc Allah, il n'est pas touché par la fatigue, la somnolence ou le sommeil. Tandis que les êtres humains, oui. Donc ça, c'est une négation. On doit affirmer cette négation-là. Ok? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y en a qui n'a pas d'enfant. Lam yalid ou lam yulad. Il n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré. Ça, on doit l'affirmer aussi. Parce que c'est une négation que Allah a niée. C'est quelque chose que Allah a nié, il faut y croire aussi. Donc, ça, c'est juste des exemples pour dire qu'on affirme ce que Allah a affirmé et on nie ce que Allah a nié. Ça, c'est des principes. Le deuxième point que le cheikh il a cité, c'est « Tanzihullah an mushabahatil makhlouqat fi sifatihi ». قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى لم يكن له كفوا احد. Le deuxième principe c'est que on doit purifier Allah de toute ressemblance avec ses créatures dans ses attributs. La preuve de ça c'est le verset 11 dans sourate Shura dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ليس كمثله شيء, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. C'est-à-dire c'est lui qui voit tout et qui entend. Qui entend tout et qui voit tout. Purifier Allah de toute ressemblance avec ses créatures dans ses attributs. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas établir aucune ressemblance entre le créateur et la créature. Ou entre la créature et le créateur. Dans les deux sens. Parce qu'il y a des gens parmi les mushrikines, ils donnent à Allah des caractéristiques humaines. Et il y en a qui font le contraire. Ils donnent à Allah, ils donnent aux créatures des caractéristiques divines. C'est ça que je voulais dire. Ils donnent aux créatures des caractéristiques divines. Ça, c'est du shirk. Ou bien ils donnent au créateur des caractéristiques humaines. Quand on dit des caractéristiques humaines ou des caractéristiques animales, comme par exemple les chrétiens qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, le septième jour, il s'est reposé. Donc là, ils attribuent à Allah la fatigue. Donc ça, c'est du shirk aussi. Tu ne peux pas dire que Allah se fatigue. Et c'est pour ça que Allah, il a nié ça dans le verset. يعني هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Nous avons créé les cieux et la terre en six jours et aucune fatigue ne nous a touché. Donc il ne s'est pas reposé le septième jour, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Donc il n'y a pas besoin de repos. Et donc on n'a pas le droit de décrire Allah par des caractéristiques qui implique une faiblesse ou une imperfection, hein, ou quelque chose de ce genre. D'accord? Et on ne va pas attribuer à des créatures des caractéristiques divines, comme ceux qui croient que, par exemple, parmi les shuyukhs ou les ulama, ou parmi les imams, certains d'entre eux peuvent connaître le rêve, ou l'inconnu, ou l'invisible, ou l'avenir. Il y a des soufis, par exemple, ils croient que le cheikh, il sait qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes, ou qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir, et que pour être un wali, il faut connaître le rêve, absolument. Certains, même parmi eux, croient qu'ils ont accès à voir qu'est-ce qui est dans les tables préservées, Lawh al-Mahfouz, ou que Jibril vient leur parler, ou des choses de ce genre. Donc ça rentre aussi dans le shirk, parce que c'est d'attribuer à une créature la connaissance du rêve, et c'est seulement Allah qui connaît le rêve. D'accord? Ou bien qui croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaissait le rêve. Ça aussi, ça fait partie du shirk. Parce que c'est seulement Allah qui connaît le rêve, personne d'autre. Bon, ça c'est important, donc, de ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. De ne pas donner aux créatures des attributs divins, de ne pas donner aux créateurs des caractéristiques humaines, quand on dit humaines, ou bien animales, ou bien des faiblesses ou des imperfections. Toutefois, si Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit par un attribut, il faut savoir que même si ce même attribut-là existe chez des créatures, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas la même chose que ce qu'on a attribué à Allah. D'accord? Comme par exemple, Allah, il mentionne dans la révélation qu'il a as-sam', il a l'ouïe, hein? Il a al-basar, il a la vue. Il a dit, laïsa ka mithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Il a dit, il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient et le voyant. Alors que l'être humain, il est audient et voyant aussi. Mais il faut savoir que pour Allah, l'ouïe, ce n'est pas comparable à l'ouïe de l'être humain. Et la vue, pour Allah, ce n'est pas comparable. Parce que l'ouïe d'Allah, elle est parfaite, et elle correspond à sa grandeur et à sa perfection et à sa majesté. Et l'ouïe de la créature correspond à la créature. La vue du créateur correspond à sa perfection, à sa grandeur et à sa majesté. Et la vue des créatures correspond à la créature. Hein? La même chose pour toutes les autres attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit lui-même, mais il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature. Et l'ouïe et la vue, c'est des perfections pour Allah. Et la preuve de ça, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la réfutation des mouchriquines qui adorent des idoles, et il réfute ces idoles-là en disant elles ne peuvent ni voir ni entendre. Hein? Tandis que Allah, lui, il voit et il entend. Hein? Et il y a beaucoup d'autres explications qu'on va mentionner justement par la suite. Donc l'autre verset, c'est dans Sourate Al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, verset 4. Et il n'y a rien qui soit comparable à lui. Hein? Il n'y a rien qui lui est comparable. Et le troisième principe, عَدَمُ مُحَاوَلَةِ إِدْرَاكِ كَيْفِيَةِ صِفَاتِهِ. C'est-à-dire de ne pas essayer de comprendre le comment des attributs d'Allah. Parce que si tu essaies de rentrer dans la compréhension du comment des attributs d'Allah, tu vas t'égarer, tu vas te perdre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre Allah subhanahu wa ta'ala et comment il est, comment il fait les choses. Hein? Même si tu essayes, tu n'as pas les moyens ni la capacité d'y arriver. Hein? Parce que Allah, il dépasse tout ce qu'on peut avoir comme entendement, intelligence ou compréhension. L'être humain n'est pas capable de comprendre ce que représente Allah subhanahu wa ta'ala et comment il est, hein, de façon absolue. C'est pas possible. Donc si tu commences à rentrer dans ça, tu vas commencer à essayer de rentrer dans la philosophie, commencer à philosopher à propos d'Allah. Tu risques de tomber facilement dans l'égarement à cause de ça. Le cheikh, il mentionne à propos de ça plusieurs versets, dont le verset 110 dans Surat Taha, lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » C'est-à-dire, ils ne peuvent pas le cerner par leur science. Et le verset 65 dans Surat Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا » Est-ce que tu lui connais un semblable ou un comparable, quelque chose d'égal? Il n'y a rien qui soit comparable à Allah, donc tu ne peux pas essayer d'imaginer comment il est. Ce n'est pas possible de savoir le comment d'Allah. Il dit, parmi les attributs d'Allah qui sont mentionnés également dans la révélation, ce qui est mentionné dans le Coran, lorsque Allah dit dans le verset 5 dans Surah Taha, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah. Ar-Rahman, qui vient de l'attribut de Ar-Rahma, la miséricorde. Ar-Rahman, c'est celui qui est miséricordieux. Et il mentionne dans ce verset, dans Surah Taha, le verset 5, qu'il s'est élevé sur le trône. Istawa, le verbe istawa en arabe, qui signifie al-ulou wal-irtifa'. Al-ulou wal-irtifa'. Ça veut dire al-ulou, l'élévation. Et al-irtifa' aussi, ça veut dire le fait de s'élever. Et ça, c'est connu dans la langue arabe, surtout quand on l'utilise avec yani ala ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Il y a en tout 7 versets qui mentionnent dans le Coran que Allah s'est élevé sur le trône. Et tous ces versets-là impliquent qu'il faut affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône d'une élévation réelle. On comprend cette signification-là. Sauf que le comment, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas essayer de l'imaginer non plus. Il ne faut pas comparer Allah à ses créatures. Quand on dit qu'Allah s'est élevé sur le trône, ça ne veut pas dire que le trône supporte Allah, subhanahu wa ta'ala, ou qu'Allah a besoin de ce trône-là. Non. C'est Allah qui supporte le trône. Et c'est le trône qui a besoin d'Allah. Allah n'a besoin de rien. Allah se suffit à lui-même. Al-Hayyu al-Qayyum. Al-Ghaniyu, ça veut dire il est celui qui est riche, qui se passe de tout, qui n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut donc affirmer cette réalité-là. Et la signification de Al-Ulu, c'est de Al-Istiwa, c'est Ma'nahu Al-Ulu wa Al-Irtifa'. Et ça, c'est connu dans la langue arabe classique. Et les ulama d'Ahl Sunnah et Wal-Jama'a se sont tous mis d'accord sur cette signification-là. Même si tu regardes dans Sahih al-Bukhari, tu regardes la définition qui a été mentionnée dans à propos de ce sujet-là dans Kitab al-Tawhid, le chapitre « Wa kana arshuhu ala al-ma » et il cite les paroles des salafs à ce sujet qui mentionnent que yani, la signification de « istawa » c'est « ala wartafa'a ».« Ala wartafa'a ». Et ça réfute ceux parmi les groupes de déviation et d'égarement, comme les Asha'ira, les Maturidiya, et ceux qui ont dévié encore plus, comme les Mu'tazila et les Jahmiya, qui nient les attributs d'Allah. Ils pensent que le fait d'affirmer à Allah des attributs, ça implique une ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc les ulama d'Ahl Sunnah ont dit non. Même si on affirme ces attributs-là à Allah, et qu'on les exprime, par ces termes-là, il ne faut pas comprendre une ressemblance, puisque il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas de comparaison à faire entre le Créateur et la créature. Et il dit أما كيفية هذا الاستواء فلا نعلمه لا يعلمه إلا هو. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment il s'est élevé sur le trône. La même chose aussi sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit, et il demande, il vient au dernier des cieux, au Sama Dunya, le ciel de la Dunya, il descend au dernier des cieux, et il demande, qui veut me demander pour que je l'exauce? Qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne? Qui veut se repentir pour que j'accepte sa repentance? Donc, on ne doit pas se demander ou essayer de chercher à comprendre ou imaginer comment Allah descend. On n'a pas le droit. De la même manière qu'on n'a pas le droit de demander la question comment il s'élève sur le trône. On n'a pas le droit de demander comment il descend au dernier des cieux. Et l'imam Malik, tout le monde connaît cette parole célèbre de l'imam Malik, lorsque quelqu'un est venu le voir pour lui dire, « Ya imam, Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa, kayfa istawa. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah s'est élevé sur le trône. Comment s'est-il élevé sur le trône? L'imam Malik, il est devenu tellement en colère, il a eu de la sueur sur son front à ce moment-là. Il est devenu rouge de colère. Et il a dit, à ce moment-là, une parole célèbre, qui est devenue une règle et un principe pour les ulama d'Ahlus Sunnati wal Jama'a par la suite. Et il a dit, Al-Istiwa ou Ma'loum. L'istiwa, le fait que Allah s'est élevé sur le trône, Ma'loum. C'est-à-dire, c'est connu dans la langue arabe, tout le monde sait qu'est-ce que ça signifie. Wal-Kayfu Majhoul. Hein? C'est-à-dire, le comment, on l'ignore. Parce que Allah ne nous a pas dit comment. Wal-Iman bihi Wajib. C'est obligatoire d'y croire. Ça fait partie de la foi. Wal-Su'alu Anhu Bid'ah. Et de poser la question à ce sujet-là, c'est une innovation. C'est une bid'ah. Et il a ordonné que cette personne soit. Hein, qu'on la fasse sortir de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète l'imam Malik rahimahullah, il enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie. C'est pour ça qu'on l'appelle l'imam, hein, l'imam ou dar al-hijra, l'imam de la maison de l'immigration. Pourquoi? Parce que toute sa vie il a vécu à Al-Madinah, il n'est jamais sorti. Il est allé seulement à la Mecque pour faire le hajj, il est revenu à Médine. Hein? Et il n'a pas eu besoin de voyager comme les autres ulama d'Ahl Sunna, les imams du hadith. Pourquoi? Parce qu'il y avait à Médine plein de grands ulama, donc il a étudié avec eux, et les autres qui venaient, ils étudiaient avec lui aussi. Donc il a pas eu besoin de voyager, rahimahullah, et ça c'est une exception peut-être, parce que la plupart, tous les autres imams d'Ahl Sunna, parmi les ulama de hadith, ils ont tous voyagé pour ramasser les hadiths. Hein? Mais il a eu parmi les grands élèves, même l'imam Shafi'i faisait partie de ses élèves, rahimahullah. Donc c'est, hein, parmi les imams des salafs dans la aqidah. Après, le cheikh il explique, il dit, وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah il mentionne, il dit, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah est audient et voyant. Verset 58 dans Sourate An-Nisa. Donc on peut tirer de ce verset-là qu'on doit affirmer que Allah a l'ouïe et que il a la vue. Il a la l'ouïe et as-sam' dans la langue arabe, ça veut dire de pouvoir entendre les sons. Hein, c'est connu. Qu'est-ce que ça signifie? Donc on peut pas dire, par exemple, comme certains parmi les innovateurs, parmi les Asha'ira, il y en a qui font le tafwid des attributs d'Allah dans leur signification. Ils disent, on voit ces attributs-là, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? C'est comme des mots en chinois ou dans une autre langue. Personne ne sait qu'est-ce que ça signifie. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne savait pas ce que ça voulait dire, ni les sahaba. Et ça, c'est faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comprenait ces mots-là. Il savait ce que ça signifiait. Il les expliquait aux sahaba. Et les sahaba l'ont expliqué également à ceux qui ont suivi. La signification, elle est connue. Qu'est-ce qui n'est pas connu? C'est le commun. Hein? Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc la compréhension, la voie des salafs, c'est pas de nier la signification. Mais c'est de nier le commun. C'est ça la voie des salafs. Okay? Après, le cheikh dit, « Wa ma'na sifa, fanuthbitu lillahi sam'an yudriku bihi l'aswat » ولا يشبه شيئا من خلق الله ونفوض كيفية ذلك لله فلا نقول كيف يسمع. On ne va pas poser la question, par exemple, mais comment Allah entend, ou bien comment Allah voit, ou comment Allah subhanahu wa ta'ala il s'élève sur le trône, ou comment Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux. On n'a pas le droit de poser ce genre de questions là, d'accord? Mais on dit que Allah est au-dessus de sa création, il est au-dessus de son trône. Hein, d'une manière qui lui convient, telle que cela convient à sa grandeur, à sa perfection, et à sa majesté, et à sa toute-puissance. Hein. Et c'est une perfection. Et qu'il est Al-Ali, Al-A'la. Parmi les noms d'Allah, hein, Allah c'est Al-Ali, c'est-à-dire le Très-Haut, Al-A'la, le plus haut. Il est au-dessus de tout, au-dessus de sa création. Hein. Et Hein? Dans toutes ces attributs-là, on ne demande pas le commun. وَإِذَا إِذْ لَمْ يُطْلِعْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ Il ne nous a pas fait savoir le commun. وَهَكَذَا الْبَصَرِ De même que la vue. Hein? Yani, la vue, ça veut dire qu'est-ce qui nous permet de voir qu'est-ce qui est autour de nous, qu'est-ce qu'on voit. Et c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran et même dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On affirme la vue. Le cheikh, il cite un hadith, comme le hadith qui dit « Inna Allah la yanam, wa la yanbari lahu an yanam ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim selon Abu Musa al-Ash'ari, il dit « Allah, il ne dort pas ». Donc ça, c'est une négation. Hein? Allah, il ne dort pas. Et il ne lui convient pas de dormir. « Wa la yanbari lahu an yanam ». Il dit « Wa yarfidu al-qist wa yarfa'uhu ». يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit il descend, yarfidu al-qista wa yarfa'uhu. Donc, il dit, il fait monter vers lui, parce qu'il y a une partie du hadith ici. Il dit que yarfidu al-qista wa yarfa'uhu. Cette partie-là, j'ai du mal à le traduire, mais la suite du hadith a dit, il fait monter vers lui les actions de la nuit avant les actions du jour, et les actions du jour avant les actions de la nuit, son voile est lumière et de lumière. Hijabuhu an-nur, son voile c'est de la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala se voile de sa création par de la lumière. Il dit s'il retirait ce voile de lumière, cela brûlerait, hein, les éclats de son visage brûleraient tout ce que son regard atteint, hein, de ses créations. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège de l'éclat de son visage et de sa lumière par un voile de lumière, hein. Et ça, c'est l'exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'Isra wal Mi'raj, quand il a eu l'ascension, hein. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter auprès de lui, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a atteint un degré de proximité d'Allah que personne d'autre parmi les créatures n'a jamais atteint. Même qu'il est arrivé dans un endroit où même Jibril alayhi salam lui a dit, à partir de cet endroit-là, moi je ne peux plus continuer. Et il est monté jusqu'à Sidratil Muntaha, et Aïcha radiallahu anha, elle lui a posé la question, est-ce que tu as vu Allah? Et il lui a répondu en disant, Nourun anna ara. Il dit, j'ai vu de la lumière, je ne pouvais pas le voir, comment j'aurais pu le voir? Hein? Il est voilé par de la lumière. Et donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas apte à le voir dans ce monde. Même que Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah de lui permettre de le voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans le Coran, il dit, regarde la montagne, si elle reste sur place, tu me verras. Et lorsque Allah s'est manifesté à la montagne, elle s'est pulvérisée, elle est devenue de la poussière. Et donc, Moussa alayhi salam est tombé inconscient, hein, foudroyé. Donc c'est pour dire que dans ce bas monde, personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas construit, n'est pas créé d'une manière suffisamment forte pour être capable de supporter, de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à l'au-delà, les croyants pourront voir Allah dans l'au-delà, mais dans ce bas monde, c'est pas possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Vous ne pouvez pas le voir dans cette vie. Ce n'est pas possible. Il dit « Wa nuthbitu lillahi basaran haqiqiyya ». Donc on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala une vue réelle. Hein, et deux yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est affirmé deux yeux, comme c'est mentionné dans le hadith à propos du Dajjal. Il dit que yani, « Inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war ». C'est-à-dire le Dajjal, il est borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne. Hein? Ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux. Et également, il a deux mains, comme c'est mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, yani, وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَا بِسُوطَتَانِ يُنْفِقُوا كَيْفَ يَشَاءُ. C'est-à-dire, les Juifs ont dit, les mains d'Allah sont fermées. Et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute en disant que leurs mains soient fermées, hein, et frappées d'avarice. Parce qu'ils disent que la main d'Allah est fermée en voulant dire qu'il est avare. Et Allah leur répond en disant non, que leurs mains à eux soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Ces deux mains sont grandes ouvertes. Ils dépensent de ces, hein, de ces biens comme ils veulent. Et dans l'autre verset, un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? En parlant de Adam alayhi salam. Donc ça, c'est des versets parmi lesquels on peut comprendre qu'il faut affirmer que Allah a des mains, l'attribut des mains. Et donc, tout ce qui est mentionné, peu importe dans le Coran, peu importe dans le hadith, que c'est un hadith authentique, il faut l'affirmer à Allah comme étant des attributs d'Allah. Et on n'essaie pas de faire des comparaisons ou on n'essaie pas d'imaginer l'attribut. Comme la main d'Allah, on ne dit pas comment elle est la main d'Allah. Non. On dit Allah, il a une main qui convient à sa majesté, à sa grandeur et à sa perfection. Qui n'est pas comme la main des créatures. D'accord ? Pourquoi? Parce qu'Allah dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Et donc, personne d'entre nous n'a jamais vu la main d'Allah. Donc, on affirme la main d'Allah, mais on ne sait pas comment. On ne dit pas le comment. Hein? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la règle générale par rapport aux attributs d'Allah, selon la compréhension de Ahlul Sunnah wal Jama'a. On va s'arrêter ici pour maintenant. On va prendre une pause. Puis, on continuera après, Inch'Allah, la suite. Et ça c'est les fondements de la aqida d'Ahlus Sunnah wal Jama'a à propos du tawhid d'Allah. C'est très très important. Naam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.